Sur l'antenne du 94 MHz ou en streaming sur internet, c'est l'asile le plus sûr, comme tous les lundis à partir de 21h30 ou en rediffusion le dimanche vers 23h. Cette semaine, émission un peu spéciale, émission de fête, puisque le mercredi 29 octobre 2003, il y a quasiment tout juste 10 ans, l'asile Nouvelle Mouture démarrait avec Roof, The Untraceable Cigar, un disque du temps où on sortait encore des CD, le fameux projet entre Lukex avec ses barrés sur sa basse électroacoustique, Tom Cora et son lyrisme intensif et improvisé, Michael Vacher au fût et Phil Minton et sa voix schizophrène. Donc je vous propose de démarrer l'asile de cette semaine et ce démarrage du deuxième, de la deuxième décade de l'asile le plus sûr avec cet album publié en 1995 par le label Red Note. On attaque avec Roof, The Untraceable Cigar. On écoute ça tout de suite. C'est parti. Oh. Thank you. been working, baby, oh so hard, man of the sky. Hey, Mr. Rain, ain't you fall me down? Et oui, monsieur Lewis Alan Reed nous a tiré sa révérence hier dimanche 27 octobre. Donc on écoutait Le Velvet Underground avec Lou Reed à la grande époque. C'était enregistré le 29 mai 1968, cette version de Hey Mr. Rain qui ne figurait pas sur les albums de l'époque, de la fin 60, mais qui est trouvable sur la compilation Another View sortie en 1986. Il y avait eu une première compilation du titre de V.U. et une autre s'en était suivie quelques années après. C'est à peu près à cette époque-là que votre serviteur d'ailleurs a commencé à écouter la musique du Velvet Underground, principalement le premier album en boucle, et plus tard, bien plus tard, de découvrir aussi les albums solo de Monsieur Reed, principalement ceux de la fin 70, début 80. Bon, on ne peut pas dire qu'il a fait grand-chose non plus à la courant des années 80. Bon, il est revenu avec Magic and Loss et New York, très très bel album. Et bon, depuis la fin 70, une carrière un peu en dents de scie, mais toujours des petites perles par-ci par-là. Je dois être l'une des rares personnes à avoir écouté et aimé son album en compagnie de Metallica sur le thème de Loulou de Berg, sans doute à cause de la voix de Monsieur Reed qui me hante depuis mon adolescence. Voilà donc le Velvet Underground avec ce Hey Mr. Rain, extrait de cette compilation Another View. Et juste avant, il s'agissait d'un vieux titre du combo Roof, extrait de The Untraceable Cigar, qui était un album qu'écoutaient beaucoup mes prédécesseurs à cette même place au sein de l'Asile le plus sûr, Monsieur Samuel et Monsieur JS, que je salue bien bas, qui m'ont transmis le flambeau il y a tout juste 10 ans, donc en 2003. À l'époque, l'émission était diffusée le mercredi à partir de 23h. Ça a basculé après à 22h et puis ça a changé de jour depuis 3 ans à peu près. L'Asile le plus sûr qui fête ses 10 ans cette semaine. Juste pour vous informer que pour fêter l'événement, un blog a été mis en place pour l'émission à l'adresse suivante, sans les W, asile, A-Z-I-L-E. www.e35.blogspot.fr, un blog où on retrouvera toutes les semaines les podcasts de l'émission, les playlists et un billet d'humeur sur l'actualité musicale de la semaine. Et un grand merci d'ailleurs au blogueur anonyme qui est derrière tout ça, l'archiviste de l'asile en quelque sorte, et qui a aussi mis en place un mix cloud pour les écoutes en streaming, mixcloud.com/renman. On va continuer avec un titre un peu en clin d'œil d'ailleurs à ce blogueur anonyme. Il s'agit d'un album de Painted Cave qui s'appelle Surveillance, sorti sur le label de monsieur Bartholomé Sanson, Shelter Press. Painted Cave qui est le nouveau projet entièrement électronique et au synthétiseur modulaire, s'il vous plaît, par la moitié du duo drone Doom de San Francisco Barn Hall. J'ai nommé monsieur Evan Caminetti, qui n'en est pas à son coup d'essai en solo. Il a déjà sorti pas mal de choses sans son acolyte John Porras, et donc un tout nouveau projet du nom de Painted Cave, qui avait juste sorti une cassette l'an dernier. Donc c'est en quelque sorte le premier album officiel de ce projet Painted Cave, pour lequel on va écouter le titre Stalker, extrait donc de cet album qui répond au doux nom de Surveillance.

séquence électronique qui ne faisait pas dans la demi-mesure, c'est le moins qu'on puisse dire, avec une séquence donc qui a démarré avec Painted Cave, ce nouveau projet entièrement électronique de monsieur Evan Caminiti. L'album s'intitule Surveillance, il vient tout juste de voir le jour grâce aux bons soins du label bruxellois Shelter Press en vinyle, comme la plupart des productions du label de monsieur Bartholomé Sanson. C'était enchaîné avec un très très vieux morceau de Tom Dissevelt et Kid Baltan. Kid Baltan alias ou de son vrai nom monsieur Dick Reimschmeckers, compositeur de musique électroacoustique, pionnier des musiques électroniques à partir des années 50 aux Pays-Bas, et aussi fondateur du légendaire studio de musique électronique STEM à Utrecht, et qui a été d'ailleurs depuis rebaptisé l'Institut de Sonologie d'Utrecht. Donc Dick Reimschmeckers, dont j'ai appris également la disparition le week-end dernier, qui est survenu tout début du mois de septembre, le 2 ou le 3, je ne sais plus exactement. Dick Reimschmeckers, qui est quelqu'un qui a été très très en avance sur son temps, qui a très tôt compris le potentiel populaire des musiques électroniques. Il a commencé à composer des pièces donc sous le nom de Kid Baltan vers 1957, titres qui sortiront dans des séries du label Philips sous la dénomination Popular Electronics, en compagnie principalement de Tom Dissevelt, mais aussi de quelques autres. Donc des vignettes de musique électronique populaire à l'antipode des ringardises franchouillardes à la Didier Marouani, qu'on peut d'ailleurs retrouver sur une compilation qui vient tout juste de sortir sur le label Because Music sous le titre Cosmic Machine Voyage Cross French Cosmic and Electronic Avant-Garde. Compilation assez à fuir. Mieux vaut écouter la musique de ces électroniciens assez méconnus hollandais de la fin 50, début 60. D'ailleurs, il y a une quantité de compilations de musique électronique. On peut retrouver des titres de monsieur Kid Baltan et Tom Dissevelt. Mais pour l'archéologie sonore, je vous conseille le coffret quadruple CD publié chez Bass en 2004 sous le titre Popular Electronics. Et on a terminé avec une séquence un peu à l'avenant et la musique de monsieur Adi Gelbart, alias Gelbart, et son album Vermine qui doit sortir à la fin de cette semaine, c'est le 1er novembre si je ne m'abuse, sur le label de Félix Cobin, Gagarin Records. Adi Gelbart, qui est un vidéaste originaire de Tel Aviv, qui vit à Berlin, il est très influencé par les musiques électroniques vintage, comme on a pu s'en rendre compte. Il lorgne à la fois du côté de la New Wave, du BBC Radiophonic Workshop, et des musiques concrètes, un peu comme son mentor Félix Cobin. Le label Gagarin avait d'ailleurs sorti un 45 tours du monsieur l'an dernier. Et je voulais aussi vous signaler d'ailleurs que Félix Cobin, lui, publie également un disque le 1er novembre sous le nom de Zemsta Plutona. Donc encore quelque chose d'assez cosmique, j'imagine. C'est une coproduction entre Gagarin et Zigzag. On continue avec une découverte encore de musiciens bataves, cette fois-ci des musiciens un peu plus jeunes, quoique, puisqu'ils ont démarré au tout début des années 80. Ils se font appeler les Smaltz ou Smaltz. Je ne sais pas trop comment ça se prononce en néerlandais. Le label américain Kill Shaman vient de sortir, c'était déjà en début de l'année 2013, une anthologie de titres des Smaltz sous le nom de Bronze Age Nursery Rhyme. Donc combo qui officie, comme je vous le disais, depuis 1982, donc plutôt discret, même même s'il a sorti une demi-douzaine de trucs, notamment sur le label Korn Plastics, dont s'occupe Monsieur Franz de Ward. Il pratique une sorte d'hybridation assez réussie entre la musique des Residents, un certain folk avant-garde, de l'électro bancal et de l'ambiante pop. Je propose de découvrir plutôt un titre un peu sombre des Smalts, mais la compilation Bronze Age Nursery Rhymes est plutôt assez variée et assez chamarrée. On écoute la musique des Smalts dans l'asile le plus sûr. Thank you. official orchestra of the College of Pataphysics, choice section of rhythmic melodies for your listening pleasure. But first, it's our great pleasure to present in its manifold and entire entity, ladies and gentlemen, I'd like to present the British alphabet. Une séquence de trois nouveautés enchaînées dans l'Asile le plus sûr qui a démarré avec la musique des Smalts, S-M-A-L-T-S, combo batave totalement inconnu au bataillon, qui ont fait paraître cette compilation de titres. Alors je ne sais pas s'il y a des vieux morceaux ou si c'est des titres des années 2000. Ça s'intitule Bronze Age Nursery Rhyme et c'est sorti par le label américain Kill Shaman il y a de ça quelques mois déjà et c'est très très recommandable. C'était enchaîné avec le ex-Easter Island Head et leur troisième opus Mallet Guitars 3 sorti en vinyle par Low Point il y a de ça quelques jours. Le ex-Easter Island Head qui est un combo pour le moins original originaire de Liverpool sous influence minimaliste répétitif américain et notamment la musique de Riz Chatham et autres Charlemagne Palestine. Donc c'est un trio de jeunes musiciens qui jouent de la guitare entièrement à l'horizontale frappée par des mayoches comme s'il s'agissait de marimba ou de vibraphone. Ça leur arrive d'ailleurs aussi de se produire en plus grande formation à 12 guitares et un batteur façon Glenn Branca ou encore Riz Chatham. Un enregistrement doit également d'ailleurs sortir de ses compositions en grande formation au début de l'année 2014. En attendant, on se contentera de ce Mallet Guitars No. 3 qui est vraiment très très très chouette avec un instrumentarium, enfin des textures très chamarré. Et on a terminé à l'instant avec des jeux rythmiques de Robert Wyatt, extrait de ce 68 qui vient tout juste de voir le jour sur le label américain Cuneiform. Alors, il s'agit de pièces enregistrées par le fameux membre des Soft Machine et autres Matching Mole en septembre de l'année 1968 à la fin de la seconde tournée américaine que le Soft Machine avait effectué en soutien de Jimi Hendrix. Robert Wyatt était alors resté quelque temps aux États-Unis où il avait enregistré ses pièces en solo, où l'on peut d'ailleurs découvrir la première version de Moon in June où ce rythmique Melodies qui a servi de squelette à la face B du second album de Soft Machine. Donc c'est présenté par les publicités comme le Saint Graal des collectionneurs d'archives du rock dit de Canterbury. Et effectivement il y a un peu de ça, 5 titres uniquement, des très longues pièces, beaucoup donc de chutes de studio mais remasterisées et plutôt intéressante pour qui s'intéresse à la musique de Robert Wyatt. On va continuer avec toujours un petit peu dans la série Y a-t-il une vie après Sonic Youth. Cette fois-ci Thurston Moore en duo en compagnie de John Zorn sur un disque publié par son label Tzadik sous le titre Arrobas. Donc un duo guitare-sax qui rend hommage au mythique duo des musiques improvisées Derek Bailey et Evan Parker. On pense aussi à l'écoute de ce Arrobas aux rencontres entre Zorn et Fred Friss, The Art of Memory et consort, donc une sorte de rencontre entre le post-free et la post-no-wave du côté de Downtown, donc les hybridations new-yorkaises. On écoute le titre Jazz Laundromat par John Zorn and Thurston Moore. Thank you. Que c'est qu'il y a de la friture sur la bande, mais c'est juste de la grosse noise qui tâche dans l'asile le plus sûr. On a écouté Thurston Moore, le Thurston Moore post Sonic Youth, qui réside d'ailleurs désormais à Londres. Tout d'abord aux côtés du saxophoniste John Zord sur des improvisations enregistrées en studio et publiées comme de juste par le label Sadik. sous le titre de Arrobaz, et c'était enchaîné avec un autre duo, cette fois-ci d'improvisation en concert, saisi sur le vif au fameux Café Otto de Londres en septembre 2012. Thurston Moore en compagnie du saxophoniste d'origine suédoise Mats Gustafsson, qui en plus de son soprano joue également de l'électronique improvisée sur table de manière assez noise sur ces deux longues pièces de 20 minutes publiées en vinyle il y a de ça quelques jours par le label qui est associé, qui est lié au Café Otto, Otoroku. L'album a un titre suédois totalement imprononçable, mais je vais quand même m'y risquer. Vir ar alla gods slaver. Voilà, par Mats Gustafsson et Thurston Moore. On va continuer avec encore une séquence de jazz free, et cette fois-ci The Ham's Room, le troisième disque du fameux trio franco-australien dont font partie Clayton Thomas à la contrebasse, Will Guthrie à la batterie et Jean-Luc Guyonnet au sax alto. Il s'agit, comme pour les précédents, d'un enregistrement live, comme pour les précédents qui étaient sortis sur Monotype et sur Clean Feed. Là, ça a été enregistré en concert dans le Tyrol lors d'un festival donc, qui avait lieu en Autriche. C'est sorti en vinyle et en CD grâce au bon soin du label Gaffer Records, le label lyonnais de Monsieur Cheikh Anorak. Et d'ailleurs, The Ham's Room se produisait au Gaffer Fest Number 2 qui a eu lieu le mois dernier. C'était début du mois d'octobre. Non, c'était début octobre, donc c'était il y a quelques semaines. Je me crois déjà en novembre. Le festival Gaffer, deuxième édition, 10, 11 et 12 octobre, où jouait The Ham's Room. On écoute un extrait de cet enregistrement, donc une pièce en continu, comme souvent un continuum sonore, polyphrie on pourrait dire, par The Ham's Room in St. Johann. We'll be right back. I'm sorry. Aperçu de deux excellents disques de jazz free pour terminer cette Asile 10 Years After. On a démarré donc avec The Ham's Room et le drive impeccable de Monsieur Will Guthrie, le tout nouveau disque donc du trio franco-australien sorti par le label Gaffer Records. J'avais aussi hésité à vous passer d'ailleurs le dernier disque solo de Monsieur Guthrie où il est entièrement batteur percussionniste sur le Snake Eyes sorti par Norwegianism Records. Et on a enchaîné en fait The Ham's Room avec un quartet où on retrouvait Paul Flaherty au ténor et à l'alto, Steve Swell au trombone, Monsieur C. Spencer Ye, alias Burning Starcore, officier à la voix et au violon électrifié, enfin principalement violon électrifié et quelques passages de voix comme celui qu'on a pu entendre, et les percussions qui partent un peu dans tous les sens de Monsieur Wiesel Walter, donc un quartet de free, ricain, trans, générationnel. L'album s'intitule Dragonfly Breath. Il est sorti sur le label polonais Not Two Records, excellent label de jazz contemporain basé en Pologne. Voilà, avant de vous quitter, je vous rappelle l'adresse du tout nouveau blog pour réécouter les émissions L'Asile le plus sûr en allant sur le site http://asile.blogspot.fr. Vous pourrez y retrouver l'ensemble des émissions depuis la rentrée, depuis la fin du mois d'août, en écoute, en streaming, aussi en podcast téléchargeable, l'ensemble des playlists et pas mal de joyeuseté. Je vous souhaite d'y trouver bien du plaisir. Je vous propose de conclure avec un dernier titre de Lou Reed, extrait de son album cultissime Berlin, album publié il y a de ça tout juste 40 ans. Donc pour cette émission des 10 ans de l'Asile, ça arrive à point nommé. Berlin, qui est un album qui avait été conspué par la critique, redécouvert progressivement et notamment par les fans de Monsieur Reed. On se termine avec The Bed, un morceau très très nostalgique pour saluer encore une fois la mémoire de Lou Reed. Je vous souhaite une très très bonne nuit et je vous dis à la semaine prochaine. This is the place.